des rues. Et puis l'amour et puis tendresse. Aïe aïe aïe. Et puis tu mélodies ta la. C'est seulement ma préfère ouais. Ou qu'elle comprenne nous que c'est. Nous préserver l'amour.